Bon après-midi à vous tous ceux qui êtes à l'écoute de la radio. Sangane, bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. À quelques heures du nouvel an, certains habitants de la capitale de Bujumbura remercient le Tout-Puissant que 2017 les trouve encore en vie, mais déplorent que les prix des denrées alimentaires ont sensiblement augmenté et demandent qu'il ne soit pas ainsi l'année prochaine. Les Burundais doivent comprendre qu'ils ont le même droit de cohabiter ensemble, un clin d'œil fait par le gouverneur, l'ex-président burundais Sylvestre Ntibantunganya, qui trouvait que les politiques ont une responsabilité première de permettre la sérénité au Burundi. Et deux grenades ont explosé au chef-lieu de la province de Bururi le soir de ce vendredi. L'administration et la police est tranquillisée qu'il s'agissait de la destruction de ces engins qui venaient d'être découverts et deux personnes sont mortes foudroyées, 14 autres blessées ce même vendredi dans la commune de Burambi de la province de Rumonge. Bienvenue dans ce journal mis en onde par François Akimana à la présentation en Placide Niomongele. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Bienvenue encore dans ce journal. Le président de la Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu, ne compte pas abandonner la campagne et d'aider les agriculteurs à se réunir dans des syndicats, même s'il a été victime mercredi dernier en commune Mugongomanga de la commune Isare. Tarsis Gahungu s'insurge contre la façon dont il a été arrêté et conduit au cachot en violation de la loi. On l'écoute. Nous avons été surpris par cette arrestation injuste. Nous venions de tenir une réunion des délégués syndicaux de communes et nous la tenions à Genève effectivement et on avait sollicité l'autorisation de l'administrateur de la commune Mugongomanga qui a d'ailleurs procédé à l'ouverture officielle de ses travaux. Et nous avons été surpris parce qu'on nous a arrêtés après la réunion. Les gens d'ailleurs venaient de partir. Hein. Il restait quelques membres, quelques personnes qui avaient participé à la réunion. Et bon, c'est vrai, on nous a arrêtés, mais très correctement. Ils ont saisi nos affaires, ils ont conduit à la documentation. Nous avons été interrogés et ils nous ont libérés. Je crois aussi que c'est une occasion aussi de dire que nous avons été très très bien traités tout au long du parcours et que ils nous ont restitué tous nos biens qui avaient été saisis à la sortie. Vous avez été arrêté. Certains peuvent croire ou penser que vous allez abandonner cette campagne d'appeler aux gens à se réunir dans des syndicats. Ouais, non du tout. Parce que finalement, ça c'était dans la dernière journée où on allait lire le comité national pour les agriculteurs du syndicat des agriculteurs du Burundi. Ce qui a été fait par ailleurs. Et nous œuvrons pour une meilleure productivité dans tous les secteurs, y compris le secteur agricole. Et je crois que si nous nous organisons en syndicat, c'est d'ailleurs depuis les collines de recensement jusqu'aux communes au niveau national, je crois qu'ils sont regroupés avec un dessein de se développer. Ils auront un meilleur accès aux intrants de base. Ils auront un accès plus facile aux microcrédits pour qu'ils puissent se développer. Et je crois que c'est plutôt une initiative, d'après moi, à encourager. Et nous l'avons fait, nous l'avons terminé d'ailleurs au niveau du secteur du C, parce que le syndicat national a été mis en place. Et peut-être que nous allons continuer dans d'autres régions. Mais cela étant, nous continuons aussi à le faire. Nous avons commencé dans le secteur du riz. Je crois que c'est une initiative qui plutôt devrait être encouragée parce que notre objectif, c'est d'augmenter la productivité. Et si la productivité est augmentée, c'est le paysan cultivateur qui va en récolter les fruits. Et c'est l'État qui va en récolter les fruits. C'était Tarsis Gahungu. Il est le président de la Confédération des syndicats du Burundi. Kosibu joint au téléphone par Evariste Nzikobanyanga. La responsabilité première pour tous ceux qui font de la politique est de permettre la sécurité et la sérénité au Burundi. Cela est dit par l'ex-président Sylvain Sentibantonganya, qui dit que tous les citoyens burundais doivent être convaincus qu'ils ont les mêmes droits de cohabiter. Nous avons à nous convaincre d'abord que nous sommes des Burundais, que Dieu nous a créés tous en nous mettant ici, dans ce pays, qui nous dit vous y habitez ensemble. Et c'est ainsi que nous devons les uns et les autres nous comporter. En deuxième lieu, nous devons savoir que pour ceux qui font de la politique, la responsabilité première est de permettre la sérénité aux Burundais et de garantir la sécurité aux Burundais, bien évidemment d'améliorer les conditions de vie. Et pour le faire, il y a des obstacles qu'il faut faire sauter et qui sont nombreux. Aujourd'hui donc, j'appelle tous les Burundais, notamment les leaders, à faire un effort sur eux. J'ai dit tout à l'heure que l'une des grandes maladies que nous portons est de croire que la vérité est de notre seul côté, que c'est l'autre qui a tort. En oubliant, et encore une fois je veux me référer à la Bible, que peut-être c'est dans notre œil que se trouve la poutre la plus dangereuse. C'est pourquoi j'invite les leaders burundais à davantage d'humilité et de responsabilité. Si nous procédons de cette manière, je pense que nous vaincrons toutes les difficultés auxquelles nous faisons face aujourd'hui. C'était Sylvain Sentibantonganya, ex-président de la République du Burundi. Le fait de bloquer toute circulation routière lorsque le président de la République passe est une mesure de protéger le pays et les institutions. Pierre Nkurunziza, président de la République, l'a dit ce vendredi en province Rotana lors d'une conférence publique. Suivi, le président de la République, Pierre Nkurunziza, traduit en français par Aubin Nyonghur. La sécurité est une priorité. Tout ce qui se fait ici se fait ailleurs. Ne vous souciez pas des cortèges de sécurité de nous les dirigeants des institutions. Même quand les autres chefs d'État nous rendent visite, on doit les sécuriser. Ce n'est pas un honneur. Vous savez que quand les leaders sont menacés, même le bas peuple est touché. C'est pourquoi la sécurisation des institutions est une priorité. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le passé. Au moins, attendre les 5 minutes, plutôt que de perdre tout dans une seconde. À propos de la sécurité, ne demandez pas beaucoup de détails. Nous savons pourquoi on le fait. Nous savons que les ennemis sont là. Ils tentent aussi souvent de déstabiliser. Il y a des choses que nous n'allons pas même vous révéler à propos de la sécurité du pays. Et concernant la route Bujumbura-Rumonge qui est en mauvais état, le président de la République appelle plutôt les hommes d'affaires de cette province à utiliser beaucoup plus le lac. Nous avons demandé à la population de Rumonge d'exploiter aussi la route qui ne change pas, le lac Tanganyika. Il faut qu'ils cherchent le bateau. S'ils n'en peuvent pas, nous allons chercher d'autres investisseurs pour amener les bateaux. Il ne faut pas toujours emprunter la voie routière. On l'a déjà vu à Zanzibar, des gens se déplacent en bateau. Nous appelons aux Burundais de ne pas investir seulement dans les coasters ou IAS, mais aussi acheter les bateaux. Il s'agissait du président de la République, Pierre Nkurunziza, traduit en français par Aubin Nyonghur. Une courte pause et puis nous allons parler de la sécurité. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h04, au studio de la Radio Isanganiro, le journal continue. Certains Abdialimana connus sous le sobriquet de Mumoso qui habitait Mirango, en commune Vianda de la province de Bururi, a été retrouvé mort ce jeudi matin dans la rivière Ouzimba. Les sources administratives et policières à Bururi parlent d'une noyade et le défunt était rentré ivre le soir de ce même jeudi. Et deux personnes sont mortes foudroyé et 14 autres blessés, dont 3 grièvement. Cela s'est passé en début d'après-midi de ce vendredi sur la colline Guaniro de la commune d'Ineburambi, de la colline Neburamba en province Rumonge. C'était lors d'une grosse pluie tombée dans cette localité. Le commissariat de la police à Rumonge confirme cette information et cela totalise un effectif de 5 victimes de la foudre en province de Rumonge dans ce seul mois de décembre 2016. Explosion de deux grenades au chef-lieu de la province Sébourouli le soir de ce vendredi. Certains habitants ont crié à une attaque armée et l'administration et la police informent qu'il s'agissait de la destruction de ces engins qui venaient d'être découverts. De Bourouli, c'est une correspondance signée Jean-Pierre Missag. Selon certains habitants du chef-lieu de la province Sébourouli, ces explosions ont été entendues vers 17h de ce vendredi dans le quartier Gisourou. Pris par la panique, ces habitants ont cru à une attaque armée comme cela avait été le cas à l'hôtel Phoenicia il y a près de 2 semaines. L'administration à Bourouli et la police confirment ces explosions. Cependant, il s'agissait des militaires qui procédaient à la destruction de ces engins qu'un cultivateur venait de trouver dans les boisements de la place. Une destruction motivée par le fait que ces explosifs étaient trop vieux pour être conservés selon la police à Bourouli. Christian Nkurunziza, gouverneur de Bourouli, dit que sa population n'a pas à s'inquiéter outre mesure, car selon lui, la sécurité est assurée dans cette province. Jean-Pierre Misago de Bourouli, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et 6 personnes présentant les signes de choléra ont été admises au centre d'isolement du centre de santé Rugomba en province de Chibitoke. Au niveau des districts sanitaires de cette province, on indique qu'il est encore tôt pour confirmer qu'il s'agit de choléra et que les échanges ont été envoyés à Bujumbura pour plus d'examens. Isanganiro, la radio de l'avenir. Dans la suite de ce journal, les conditions de voyage des passagers en provenance de la province Moaro vers la ville de Bujumbura se sont améliorées avec les travaux de goudronnage de la route RN18 Mugira, Nyakararo, Moaro et Gitega. Les prix de tickets a également diminué suite à la première tranche de ces travaux. Certains habitants de cette province souhaitent que la deuxième tranche puisse démarrer prochainement pour que le déplacement vers d'autres villes comme Gitega s'améliore. De Moaro, Laurent Ndikouli. Suite aux travaux de goudronnage de la route RN18 reliant Nyakararo, Moaro et Gitega, les voyageurs qui descendent à Bujumbura en provenance de la province de Moaro disent qu'ils voyagent aujourd'hui plus aisément. Une nouvelle agence de voyage dite Memento relie depuis le mois de décembre Bujumbura, Moaro et Kibumbu. Ceux qui prennent ces bus disent que le ticket de voyage a diminué, passant de 6 000 francs ou 5 500 francs à 4 000 francs pour le trajet Bujumbura-Kibumbu ou vice-versa. Ces passagers disent que le départ à des heures fixes fait que cela leur permet d'accomplir facilement leur programme à Bujumbura, alors qu'avant ils devaient attendre que les bus ou taxis soient remplis pour qu'ils prennent le départ, ce qui des fois leur faisait perdre du temps. Ils souhaitent que d'autres agences puissent emprunter ces taxes pour que le prix du ticket diminue encore plus. Au moment où ces travaux en cours concernent la première tranche qui va de Nyakararo jusqu'à une distance de 30 km, certains habitants souhaitent que les travaux de la deuxième tranche démarrent dans les meilleurs délais pour que même le déplacement vers les autres villes comme Gitega s'améliore. Cela se dit au moment où certains commerçants de Moaro amènent des marchandises en provenance de Gitega, ce qui pourrait réduire le prix d'achat de ces produits. De Moaro, Laurent Dikulio, Radio Sanganiro. Merci Laurent Dikulio. Retournons dans la capitale Bujumbura. Certains habitants de la capitale Bujumbura remercient le Tout-Puissant que le Nouvel An se les trouve encore en vie, mais déplorent la flambée des prix des produits vivriers, en particulier qu'il y compte consommer pour fêter son Nouvel An. Il demande qu'au cours de l'année 2007, les prix sur le marché soient revus à la baisse. Suivez-le au micro baladeur de la Radio Sanganiro. Moi, je conçois le Nouvel An comme les autres, mais nous sommes dans la misère, ce n'est que la famine qui nous guette. Demain, si Dieu nous prête vie, nous irons dans la messe d'action de grâce, mais les denrées alimentaires sont très chères. Que Dieu nous donne la pluie et nous garde en paix. Nous remercions le Seigneur pour la paix et la sécurité qu'il nous a préservé dans notre pays. Toutes les choses vont bon train partout. Nous avons acheté le petit pois, les tomates et on n'a aucun problème. Que Dieu nous garde pour la clôturer également en beauté. Je remercie le Tout-Puissant pour la bonne santé. Je suis venu très tôt le matin pour voir si je peux avoir au moins 1000 francs. On nous empêche de faire le commerce ici. Peut-être que demain, quelqu'un me fera signe pour partager. C'est la paix que nous avons besoin, seulement parce que maintenant, ça va. Vraiment, à propos de ce Nouvel An, ça ne va pas. Moi, je suis une commerçante de fruits. Ce que je m'approvisionnais à 30 000 francs pour avoir 5 000 de bénéfices, maintenant, ils sont à 40 000. 5 000 et je perds. Si je vais au marché avec 5 000 francs pour nourrir mes 5 enfants et les 3 orphelins de ma petite sœur décédée, ça ne suffit pas, voire 1 kilo de 2 000 et du charbon de 1 000 francs. Tu vois que la vie devient de plus en plus chère. Nous demandons qu'au cours de ce nouvel an, les prix soient revus à la baisse. Si nous avons la paix alors que nous avons faim, tu comprendras que ça devient difficile. À propos de la fête de son nouvel an, nos clients sont dans la misère. Nous obtenons un bidon de 20 litres d'huile de palme à 45 000 et que la bouteille Kinju s'achète à 2 500 francs. On ne peut pas en tirer une partie pour la consommer. Devant ces 12 bouteilles ici depuis le matin, je n'ai pas encore eu au moins 100 francs. Pas de clients, mais je patiente. Si j'essaie de voir, les prix montent du jour le jour. Hier, nous achetions le petit pois à 1 500, mais aujourd'hui, ils sont à 2 000. Tu vois que nous n'avons pas de clients, même pour le petit pois qui était souvent acheté dans de telles fêtes. Les clients nous disent qu'ils n'ont plus de moyens. Dans ma famille et que dans le pays, nous remercions le Tout-Puissant parce que la paix règne. Quoi que ce soit, je fêterai le nouvel an. Je demande que les prix des denrées soient diminués. Voilà, le prix du riz, des haricots et de la farine de manioc sont exorbitants. Ça serait mieux si en 2017, ces prix sont revus à la baisse. C'était les habitants de la capitale Bujumbura qui nous parlaient de comment ils se préparent pour fêter le nouvel an. Cap sur Changuzo pour parler de cette pénurie de denrées alimentaires suite à une décision de l'administrateur communal qui vise le respect des prix fixes. N'est-ce pas, Jean-Claude Chiminima? Certains des produits vivriers devenus rares depuis ce mercredi au marché de la ville de Changuzo sont notamment le haricot, la banane et plantain, la pomme de terre, le riz et la viande. Les vendeurs de ces produits avec qui nous sommes entretenus disent qu'ils ne peuvent pas travailler suite au prix maximum fixé par l'administration communale pour différents produits, des prix jugés inférieurs à leur valeur, aussi bien par les producteurs que par les vendeurs. Selon une affiche fixant les prix maximum mise au grand jour le 27 de ce mois en cours par Innocent Nyandui, administrateur de la commune Changuzo, le prix d'un kilo de riz est fixé à 1500 francs alors qu'il variait selon la qualité entre 1700 et 1800. Celui d'un kilo de viande est fixé à 5000 francs alors qu'il était à 6000 francs. Celui d'un grand régime de bananes est fixé à 5000 alors qu'il était vendu à 10 000 francs burundais. Les vendeurs demandent à l'administrateur communal de revenir sur sa décision pour qu'ils puissent continuer à travailler et parfois gagner leur vie. De leur côté, les acheteurs demandent qu'il y ait respect du statu quo pour que le prix résulte du marchandage entre le vendeur et l'acheteur. Mieux vaut la disponibilité des produits au prix jugé élevé que leur pénurie, ont-ils souligné. Innocent Nyandui, administrateur de la commune Changuzo, explique que cette décision a été prise dans le souci de limiter la montée des prix en dissuadant les vendeurs journaliers qui cherchent des intérêts sur différents produits achetés sur place au marché. Cette autorité administrative propose à ces vendeurs d'associer l'agriculture à leur commerce pour qu'ils puissent gagner leur vie au lieu d'être à l'origine de la flambée des prix. Jean-Claude Nshimirimana, Changuzo, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude Nshimirimana. Ainsi se referme cette édition. Mais avant de vous quitter, on vous rappelle les principales articulations. À quelques heures du nouvel an, certains habitants de la capitale Bujumbura remercient le Tout-Puissant que 2017 ils trouvent encore en vie, mais déplorent que les prix des denrées alimentaires ont sensiblement augmenté, demandent qu'il ne reste pas ainsi l'année prochaine. Les Burundais doivent comprendre qu'ils ont les mêmes droits de cohabiter ensemble. Un clin d'œil dit de l'ex-président burundais Sylvestre Ntibantunganya, qui trouvait que les politiques ont une responsabilité première de permettre la sérénité au Burundi. Et deux grenades ont explosé au chef-lieu de la province Bururi le soir de ce vendredi. L'administration et la police tranquillisent qu'il s'agissait de la destruction de ces engins qui venaient d'être découverts, tandis que deux personnes sont mortes foudroyées et 14 autres blessées ce vendredi dans la commune Burambi de la province Rumonge. Merci de l'avoir suivi. Merci également à François Akimana pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Placide Nyamonge. Dans quelques instants, vous retrouverez la revue de la presse. Isa. de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. L'année 2016 s'en va, bonjour 2017. L'hebdomadaire Iwachu remercie son public de lui avoir tenu compagnie le long de l'année, malgré les conditions de travail qui n'ont pas été toujours faciles. Merci à vous tous qui nous faites confiance, écrit-il dans son dernier numéro de l'année sortie vendredi. La tâche n'a pas toujours été facile, le prix payé trop lourd. Nous regrettons la disparition de notre collègue Jean Bigirimana le 22 juillet. Nous avons déposé devant la justice une plainte contre X. Iwachu regrette également l'assassinat de plusieurs autres compatriotes connus ou anonymes et décrire, je cite, « Quel océan versé arrose et fasse germer notre espoir pour 2017 ». Fin de citation. L'hebdomadaire appelle également les protagonistes dans la crise burundaise à un dialogue inclusif qui déboucherait sur une paix durable. Que les protagonistes reprennent le dialogue, soutient-il, qui relève les défis et discute sans faux fuyant en mettant en avant l'intérêt général. Les bons projets survivent à leurs fondateurs. Et dans sa tradition de publier les personnalités qui l'ont marqué hebdomadairement le plus, Iwachu met en hausse le nouvel ombudsman burundais Edouard Nduimana pour avoir mis en place une équipe chargée d'étudier la question des expulsés de Kagaragara. C'est dans la commune Gihanga en province de Bubanza, une décision qui a aidé finalement ces derniers à regagner leur ménage. En baisse, il y a la régie des eaux pour la négligence manifeste dont elle a fait preuve en laissant certains de ses câbles dénudés. Cela a entraîné des morts par électrocution dans certains quartiers de la capitale Bujumbura. L'agence NetPress revient sur la conférence publique qui a été tenue vendredi par le président Pierre Nkurunziza. Le chef de l'État s'est exprimé sur plusieurs points. En ce qui concerne le nombre de mandats, le président estime qu'il y a d'autres priorités plutôt que de se concerter sur le nombre de mandats. Il affirme, comme le mentionne encore l'agence en ligne, qu'il se conformera aux desiderata de sa population. À propos du dialogue avec l'opposition radicale, il a précisé qu'il ne s'assoira jamais avec ceux qui ont tenté un coup d'État ou ceux qui ont organisé des manifestations contre son pouvoir. Et à propos des relations avec les autres pays comme la Belgique et le Rwanda, le président a d'abord indiqué que les Burundais sont très gentils et qu'ils savent bien cohabiter avec autrui. En d'autres termes, et selon NetPress, les mauvaises relations avec ces deux pays trouvent les racines chez eux et non au Burundi. Revue de la presse. La communauté des blogueurs Yaga revient quant à elle sur les plaques pour taxi vélo et se demande s'il s'agit d'une application du code de la route ou mesure pour enflouer les caisses. L'application d'un article concernant l'immatriculation de tous les deux roues vient de créer en effet une vive polémique. Ainsi, tout en s'interrogeant sur la légalité et les lacunes de cette mesure, le biais juge simplement que les récentes mesures d'imposition sont caractéristiques d'un État acculé financièrement. Bientôt, une usine de transformation de la banane à Mugina, écrit l'agence burundaise de presse. Une réunion a été tenue mercredi par le programme de développement des filières ProDéfi 2 en commune Mugina de la province Cibitoke à l'intention des associations agricoles. Elle visait la valorisation de la banane. Les autorités provinciales à Cibitoke ont indiqué qu'elles ont depuis longtemps souhaité que la banane soit valorisée car elle est beaucoup cultivée dans cette province. Elle reste l'une des cultures les plus consommés par la population. Les responsables du ProDéfi 2, écrit la BP, ont promis de construire des hangars de collecte de bananes et de doter la province de Cibitoke d'une usine de transformation de cette banane, plus précisément en commune Mugina. Il aurait fallu taxer davantage les grosses fortunes, écrit le journal Burundi Echo. Le gouvernement du Burundi a adopté une loi régissant le budget général de l'État exercice 2017. Un budget qui suscite beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations qui font suite au prélèvement de certaines taxes sur certains produits de première nécessité. Le journal Burundi Echo cite Faustin Dikumana, représentant légal de la PARSEM, qui qualifie ce budget de crise. Selon toujours Burundi Echo, le représentant légal de la PARSEM demande au gouvernement de trouver les taxes ailleurs et au lieu de continuer à sucer le petit peuple. Il indique qu'il y a des gens dont les fortunes crèvent les yeux mais qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Il précise que le gouvernement devrait prélever des taxes sur les grosses fortunes pour ne pas toujours recourir à la taxation des produits de première nécessité. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire qui vous a été présentée par Mireille Kanyange et Médard Niyonguru. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end, meilleur V 2017 et très bonne suite des programmes sur la radio Isanganiro. À la prochaine. Revue de la presse.